Chapitre 15e, la fête de Eula Thorne, acte 3. Les hôtes de Miss Thorne commençaient à partir, et ceux qui restaient encore trouvaient que la fête languissait. La nuit allait tomber, et les dames en toilette de jour pensaient que si elles devaient paraître à la lumière des bougies, il leur fallait se rajuster. Quelques jeunes gens avaient de tels éclats de voix que des mères prudentes crurent sage de se retirer, et ceux des invités du sexe mâle qui avaient été modérés dans leur libation sentirent qu'ils n'avaient plus rien à faire et que l'heure du départ était venue. Il est rare qu'une fête de jour réussisse pleinement. On ne sait jamais quand et comment sortirait. Passe encore pour un pique-nique dans une île, sur une montagne, dans un bois. Il n'y a pas là de maître auquel la courtoisie commande de vous presser de rester, tandis qu'au fond du cœur il voudrait vous voir partir. Mais dans une maison particulière, une fête de jour est chose ennuyeuse. Il faut manger et boire hors des heures ordinaires. Il faut faire le sacrifice de la journée dont on saurait un emploi utile, et l'on est laissé sans ressources pour la soirée que l'on ne peut consacrer aux affaires. On revient chez soi fatigué, désœuvré, trop tôt encore pour se coucher. Dans ces parties, les cartes sont proscrites et le whist impossible. C'est ce que tout le monde commençait à sentir. Quelques jeunes gens étaient venus avec l'espoir de danser un peu le soir et ne voulaient point se retirer avant d'avoir vu que leur espérance était vaine. D'autres, craignant de rester plus tard que ne le désiraient leurs hôtes, avaient commandé leur voiture de bonne heure et étaient impatients de partir, craignant le froid de la nuit et le mauvais état des routes pour leurs domestiques et leurs chevaux. La comtesse fut parmi les premiers à partir, et pour l'honorable George, il n'était pas trop tôt qu'elle le fît. Sa seigneurie était dans une grande agitation. « Ces horribles routes seraient sa mort, » disait-elle, s'il était surprise par la nuit. Les lanternes étaient bonnes, mais elles ne pourraient résister au chaos des routes du Barsetshire Est. La propriété des deux coursiers était dans la partie ouest du comté. Mrs. Proudie ne pouvait rester une fois la comtesse partie. Plusieurs révérends cherchèrent l'évêque et le trouvèrent encore en colloque avec le principal du collège de Saint-Lazare. Il obéit aux ordres de son épouse, sans même achever la phrase par laquelle il promettait au docteur Gwynne que son autorité à Saint-Lazare demeurerait entière. Puis les coursiers épiscopaux prirent la direction de leur écurie. Les Grantly partirent ensuite. Auparavant, M. Harding dit un mot à l'oreille de sa fille. Il désabuserait les Grantly au sujet de ce sot bruit relativement à M. Slope. « Non, non, » dit Eleanor. « Attendez, je vous prie que je vous ai revu. Vous serez de retour dans un jour ou deux, alors je vous expliquerai tout. « J'en reviendrai demain, » dit-il. « J'en suis bien heureuse. Vous viendrez dîner chez moi. Ce sera si bon pour nous deux. » M. Harding le promit. Il ne savait pas trop ce qui allait lui être expliqué, ni pourquoi il ne fallait pas redresser l'erreur qu'avait commise le docteur Grantly. Néanmoins, il promit tout. Il devait une réparation à sa fille et la lui donnait en lui obéissant aveuglément. La foule s'écoulait donc, tandis que Charlotte et Eleanor cherchaient Bertie. Elles auraient pu le chercher longtemps s'ils avaient entendu sa voix. Il était confortablement assis sur une pente de gazon, fumant un cigare, et engagé dans une conversation animée avec un tout jeune homme qu'il ne connaissait pas d'ailleurs. Ce jeune homme faisait sa première expérience du tabac, sous le patronage de Bertie, et écoutait, bouche béante, le récit que lui faisait son compagnon de quelques-uns des divertissements de l'Orient. « Bertie, je vous cherche partout, » dit Charlotte. « Venez vite nous trouver. » Bertie leva la tête et vit les deux dames devant lui. Il n'avait qu'à obéir, il jeta son cigare. Dès le premier moment, Eleanor lui avait plu. L'eût-on abandonné à son propre penchant, Eleanor eût-elle été sans fortune et n'eût-il pas été question de ce mariage avec elle, il serait sans doute tombé éperdument amoureux d'elle. Mais maintenant, il ne pouvait s'empêcher de la considérer comme il avait considéré son atelier de sculpteur à Carrare, son chevalet et sa palette, l'étude de la voie à Londres, en un mot, comme il avait toujours considéré ce qu'on lui avait proposé comme un moyen de fortune. Eleanor lui apparaissait, non comme une jolie femme, mais sous la forme d'une profession nouvelle appelée mariage. C'était une profession qui demandait peu de travail et qui lui assurerait un bon revenu. Bertie ne haïssait pas l'argent, mais la pensée d'avoir à le gagner lui était odieuse. En ce moment, on l'arrachait à son cher cigare pour lui faire gagner de l'argent en l'offrant comme époux à Mrs. Bold. La tâche, il devait en convenir, lui était rendue facile. au lieu qu'il eût à chercher la veuve, c'était elle qui, selon toute apparence, venait le chercher. Il fit à son auditeur une excuse sans queue ni tête, remonta la pente et rejoignit les dames sur la pelouse. « Donnez le bras, Mrs. Bold, » dit Charlotte. « Je vais vous imposer un devoir, qu'en pro-chevalier, vous accomplirez sur le champ. Vous courez, je crois, un danger personnel insignifiant. Votre adversaire est un ecclésiastique. » Bertie donna le bras à Eleanor, marchant entre elle et sa sœur. Il avait trop longtemps vécu à l'étranger pour tomber dans l'habitude anglaise de donner le bras à deux dames à la fois, habitude, soit dit en passant, que les étrangers considèrent comme une façon de bigamie, un commencement de mormonisme. Charlotte raconta à Bertie la petite histoire de l'inconvenance de M. Slope, ce qui rappela le rouge sur les joues d'Eleanor. S'il fallait parler en effet de cet outrage, pourquoi était-ce à M. Stanhope, pourquoi en sa présence à elle? Charlotte ménagea ses sentiments le plus qu'elle put, présenta la chose comme si M. Slope avait bu un verre de trop, et dit qu'il ne résulterait rien de tout cela, mais qu'il était impossible que M. Slope remontât dans la voiture. « Mrs. Bold n'a pas cela à craindre, » dit Bertie. « M. Slope est parti depuis plus d'une heure. Il m'a dit qu'une affaire urgente le rappelait à Barchester. »« Il n'est toujours pas assez pris de vin, » dit Charlotte, « pour ne pas avoir conscience de sa faute. Eh bien, ma chère, il n'y a plus de difficulté de ce côté. Je vais vous laisser avec votre féal chevalier et emmener Madeline aussi rapidement que je le pourrai. La voiture est ici, Bertie, je suppose. Oui, depuis une heure. Bien. Adieu, ma chère. Naturellement, vous viendrez prendre le thé. Je compte sur vous, Bertie, pour nous l'amener de force, s'il le faut. » Et Charlotte partit en courant, laissant son frère seul avec la veuve. Tandis que Miss Stanhope s'éloignait, Eleanor réfléchissait que, M. Slope étant parti, il n'était plus nécessaire de séparer M. Stanhope de sa sœur Madeline, qui avait un si grand besoin de son aide. Il n'y avait pas de raison, du moins Eleanor n'en voyait aucune, pour que Bertie n'accompagnât pas sa sœur. Elle le lui dit. « Oh, laissez à Charlotte sa liberté d'action, » dit-il. « Elle a rangé les choses ainsi, et ce sera une confusion sans fin si nous faisons un nouveau changement. Charlotte exerce chez nous et sur nous une autorité despotique. »« Mais la signora ?» demanda Eleanor. « La signora peut se passer de moi. » « Il faudra bien qu'un jour elle puisse se passer de moi, » dit-il, pensant plutôt à son atelier de Carrare qu'à l'hyménée qu'on préparait pour lui à Barchester. « Mais vous n'avez pas l'intention de nous quitter ?» Nous avons dit que Bertie Stanhope était un homme sans principe. Il ne savait s'imposer aucun effort pour éviter le mal. D'ailleurs, le vice était sans laideur à ses yeux, la vertu sans beauté. Il n'avait aucun de ces sentiments qui poussent l'homme au bien. Mais peut-être aussi n'avait-il aucun de ceux qui poussent l'homme au mal. Il avait fait des dettes avec une indifférence parfaite, sans se préoccuper de savoir si ses créanciers seraient ou non payés. Mais il ne forgeait pas de ruse pour soutirer de l'argent. Si quelqu'un lui faisait crédit, c'était son affaire. Bertie ne s'en préoccupait pas davantage. Il donnait comme référence son gouverneur. Il disait que le bonhomme avait un bon revenu et avait déjà consenti à payer jusqu'à 60%. Tout cela, il le faisait sans aucun scrupule, mais il n'avait jamais commis d'infamie. Dans l'affaire du mariage, on lui avait fait un devoir de se mettre en possession de la main et de la fortune de Mrs. Bold. Il n'y voyait pas autre chose. Quant à Mrs. Bold elle-même, il n'y avait guère pensé. C'était l'habitude, pour des hommes dans sa situation, de se marier pour de l'argent. Il n'y avait pas de raison pour qu'il ne fît pas ce que d'autres faisaient autour de lui. Il y avait donc consenti. Mais maintenant, il voyait la chose sous un autre jour. Il lui fallait s'embusquer pour prendre cette femme, comme un chat pour prendre une souris. Il lui fallait la prendre et l'avaler, elle et son enfant, ses maisons et ses terres, vivre enfin de son argent et non plus de celui de son père. Il fallait user dans cette chasse à la femme d'une habileté froide, calculant et prévoyant tout. Ce n'était pas là le fait de Bertie. La prudence n'était pas plus dans son caractère que l'iniquité. Et puis, dû le succès couronner son entreprise, quel serait le prix? Après avoir satisfait ses créanciers avec la moitié de la fortune de la veuve, ils pourraient vivre tranquillement à Barchester avec le reste, mais en bornant au nécessaire les dépenses de la maison. Il aurait pour devoir de bercer l'enfant de feu Mr. Bold, et sa distraction la plus plaisante serait une partie de campagne à Plumstead, si toutefois l'archidiacre devait un jour agréer son mariage et le recevoir. ce programme avait peu d'attrait pour un homme comme Bertie Stanhope. Il n'était pas de métier ou de profession qui ne lui semblât préférable. La dame était, dans sa personne, fort désirable. Mais la femme la plus désirable inspire de la répugnance quand on doit la prendre comme une pilule. Néanmoins, il avait fait une promesse à sa sœur, et il ne voulut pas s'exposer à son mécontentement. Sans l'appui de Charlotte, il n'avait plus qu'à quitter le toit paternel. Sa mère semblait indifférente à tout ce qui le concernait. Le front du docteur devenait plus sombre de jour en jour, quand ses yeux s'arrêtaient sur ce fils duquel il n'espérait plus rien. Quant à Madeleine, la pauvre Madeleine, celle de tous qu'il aimait le mieux, elle avait assez de se tirer d'affaire elle-même. Non, il obéirait à sa sœur, mais s'il pouvait, par quelque feinte heureuse, sauver les apparences vis-à-vis de sa sœur et ne pas entraîner la veuve à sa ruine, s'il se faisait d'Eleanor une alliée. « Mais vous n'allez pas quitter Barchester ?» demanda Eleanor. « Je ne sais, » répondit-il. « J'ignore ce que je ferai, mais à coup sûr, il faut que je fasse quelque chose. « Vous voulez parler de votre profession ?»« Oui, si vous appelez cela une profession. »« N'en est-ce pas une ?»« Si j'étais homme, je n'en vois pas une que je préférasse, sauf la peinture. » Et je crois que vous êtes également habile dans les deux. « Oui, également, » dit Bertie avec un sourire ironique à son adresse. Il savait fort bien qu'il ne gagnerait jamais un sou ni par l'une ni par l'autre. « Je me suis souvent demandé, Monsieur Stanhope, pourquoi vous ne montrez pas plus d'activité ?» dit Eleanor, qui éprouvait une vraie amitié pour son compagnon. « Mais peut-être est-il indiscret à moi de vous parler ainsi ?»« Indiscret, non, certes. C'est trop de bienveillance. » « Oui, c'est trop de bienveillance à vous de vous intéresser à un mauvais garnement, un paresseux comme moi. »« Mais vous n'êtes pas un mauvais garnement, quoique peut-être vous soyez paresseux, et je vous porte beaucoup d'intérêt. » ajouta-t-elle d'un ton qui décida presque Bertie à changer de résolution. « Et quand je vous reproche d'être oisif, je sais bien que vous ne l'êtes que pour le moment. Pourquoi ne pas vous mettre sérieusement au travail ici, à Barchester ?»« Me mettre à faire les bustes de l'évêque, du doyen et du chapitre. » Ou si je fais une œuvre réussie, je serai chargé de sculpter le tombeau de la veuve d'un chanoine, de représenter la dame morte avec un nez grec et un voile de dentelle artistement travaillé. Elle sera couchée naturellement sur un lit de marbre, des pieds duquel surgira la mort armée d'une petite fourchette à rôti, avec laquelle elle menacera sa victime. Eleanor se mit à rire, tout en pensant que si le chanoine survivant payait le prix du travail, l'art deviendrait une profession qui ne serait pas déjà si sotte et dont il n'y aurait pas lieu de rougir. « Je ne vous parle ni du doyen, ni du chapitre, ni de la veuve du chanoine, » dit-elle. « S'il venait vous faire une commande, vous la recevriez naturellement. Mais le fait d'avoir une grande cathédrale, pour laquelle il y a lieu souvent d'exécuter des ornements de ce genre, ne peut être qu'à votre avantage. » « Un vrai artiste ne descendrait pas jusqu'à travailler pour l'ornementation d'une cathédrale, » dit Bertie. On devrait faire les monuments pour servir de cadre aux sculptures, et non les sculptures pour orner les monuments. Oui, quand l'œuvre d'art est assez parfaite pour le mériter, faites un beau travail, et nous autres, dames de Barchester, nous ferons élever un monument digne de le recevoir. Voyons, quel sera le sujet? Je vous représenterai dans votre voiture à poney, Mrs. Bold, comme on a représenté Ariane sur un lion. Seulement, vous me permettrez de poser. Mes poneys n'ont rien d'assez féroce, et mon grand chapeau de paille ne fera pas si bon effet en marbre que le voile de dentelle de la femme du chanoine. Si vous n'y consentez pas, Mrs. Bold, je ne prendrai aucun sujet qui soit tiré de Barchester. Vous êtes décidé alors à vous faire une position ailleurs? Je suis décidé, répondit Bertie lentement et avec un ton significatif, comme s'il s'efforçait de se déterminer lui-même à prendre un grand parti. Je suis décidé, en cela, à me laisser entièrement guider par vous. « Entièrement guidé par moi ?» dit Eleanor étonnée et quelque peu inquiète. « Entièrement par vous, » reprit Bertie, laissant tomber le bras de sa compagne. En marchant, ils étaient arrivés exactement à l'endroit où Eleanor avait appliqué le soufflet sur la joue de M. Slope. Était-il possible que cet endroit fût pour elle un endroit de malheur? Devait-elle y avoir affaire à un nouvel amoureux? « Si vous voulez être guidé par moi, M. Stanhope, vous vous mettrez sérieusement au travail, et vous vous laisserez diriger par votre père dans le choix de la position qui vous convient le mieux. Rien ne serait plus sage, si seulement c'était possible. Mais, si vous le permettez, je vais vous dire en quoi et pourquoi je veux être guidé par vous. me le permettez-vous ? Je ne vois vraiment pas ce que vous pouvez avoir à me dire. » Non, vous ne pouvez le savoir. Nous avons été bons amis, n'est-ce pas, Mrs. Bold ? Oui, je le crois, dit-elle, remarquant dans sa voix et dans son attitude un sérieux qui ne lui était pas habituel. Vous avez été assez bonne pour me dire tout à l'heure que vous me portiez de l'intérêt. Et j'ai eu la vanité de vous croire. Il n'y a là aucune vanité. Je m'intéresse à vous comme au frère d'une amie, et aussi comme un ami. Eh bien, je ne mérite pas cette bienveillance, dit Bertie. Mais sur ma parole, je vous en suis vraiment reconnaissant. Et il s'arrêta un moment, ne sachant comment introduire le sujet qu'il avait à traiter. Ce n'était certes pas chose facile. Il avait à faire connaître à sa compagne le plan préparé pour la dépouiller de sa fortune. Il avait à lui dire qu'il avait d'abord projeté de l'épouser sans l'aimer, que maintenant il l'aimait sans avoir la pensée de l'épouser. Il avait aussi à lui demander pardon pour lui et pour sa sœur, et amener Mrs. Bold à affirmer, dans sa prochaine conversation avec Charlotte, qu'une proposition de mariage lui avait été faite et qu'elle l'avait refusée. Bertie avait en général quelque confiance dans ses moyens oratoires, mais en ce moment il ne le servait pas. Il ne savait par quoi commencer et ne savait pas davantage où il devait finir. Cependant, Eleanor s'était remise à marcher lentement à côté de lui, mais sans reprendre son bras. Elle s'apprêtait à écouter attentivement tout ce que Bertie croirait devoir lui dire. « Je désire être guidé par vous, dit Bertie, et vous seul d'ailleurs en cette matière, pouvez me donner un conseil efficace. Vous ne dites pas cela sérieusement. Écoutez-moi, Mrs. Bold, et si cela vous est possible, ne vous irritez pas contre moi. Mériter ? Dit-elle. Oh, vous en aurez sujet. Vous savez combien ma sœur Charlotte vous est attachée. Eleanor fit signe que oui. Oui, elle vous est attachée. Je ne lui ai jamais vu éprouver pour personne une si vive affection après une si courte connaissance. Vous savez aussi combien elle m'aime. Eleanor ne répondit pas, mais elle sentit le sang monter à ses joues. Elle prévoyait le résultat probable de cet amour à deux coups de Miss Stanhope. Je suis son seul frère, et il n'est pas étonnant qu'elle m'aime ainsi. Mais vous ne connaissez pas encore Charlotte. Vous ne savez pas jusqu'à quel point le bien-être de toute notre famille repose sur elle. Sans elle, je ne sais comment les choses iraient. Vous ne pouvez pas ne pas l'avoir remarqué. Eleanor avait en effet beaucoup observé sous ce rapport, mais elle ne dit rien et laissa Bertie continuer son histoire. Vous ne pouvez donc être surprise que Charlotte cherche anxieusement notre bien à tous. Eleanor dit qu'elle n'était pas surprise. Et sa tâche est bien difficile, Mrs. Bold, bien difficile. Le mariage malheureux et le terrible accident de la pauvre Madeleine, la mauvaise santé de ma mère, le long séjour de mon père à l'étranger, enfin et surtout peut-être mon vagabondage et ma paresse, ont créé une situation des plus embarrassées. Vous ne serez pas étonné que l'un de ses plus vifs désirs soit celui de me voir bien établi. Eleanor garda le silence. Elle supposait que des offres formelles allaient lui être faites et ne pouvait s'empêcher de penser que jamais homme n'avait débuté par un semblable exorde dans une proposition de ce genre. M. Slope l'avait ennuyée par l'expression d'un amour ardent. De M. Stanhope, elle n'avait évidemment rien à redouter de tel. C'étaient des motifs de prudence qui le faisaient agir. Non seulement il lui faisait la cour parce que sa sœur le lui avait dit, mais avant de commencer, il prenait la précaution de le dire. Bertie continuait de marcher à pas lents, frappant de sa canne les cailloux du chemin. Sa compagne marchait lentement à côté de lui, peu disposée à l'aider dans l'accomplissement d'une tâche qui semblait être si difficile. « Sachant combien elle vous aime, Mrs. Bold, ne pouvez-vous imaginer quel plan s'est présenté à son esprit ?»« Je n'imagine pas de plan meilleur que celui dont je vous entretenais tout à l'heure. »« Non, » dit-il d'un ton quelque peu sentimental. « Je suppose que c'eût été le meilleur. Mais Charlotte a pensé qu'on pouvait joindre un autre plan à celui-là. Elle désire que je vous épouse. » 1000 souvenirs traversèrent à ce moment l'esprit d'Eleanor. Comment Charlotte lui avait toujours fait l'éloge de son frère. Comment elle s'était toujours efforcée d'amener des tête-à-tête entre Bertie et elle. Comment elle avait encouragé toutes sortes de petites familiarités. Comment, avec une étrange cordialité, elle avait toujours persisté à traiter Eleanor comme un membre de la famille. Toutes ces manœuvres avaient eu pour objet d'assurer à la famille Stanhope le bienfait de son revenu. » Ce fut là pour Éléanor une bien amère révélation. Pour les vieilles gens, des plans savamment combinés et préparés de longue main pour obtenir les biens de ce monde, sans les mériter par le travail, sont des moyens qu'ils trouvent légitimes et auxquels ils sont accoutumés. C'est à ceux qui sont bien partagés sous le rapport de la fortune à se tenir en garde contre ceux qui ne le sont pas. Mais Éléanor n'avait pas appris encore à considérer son argent comme une source de danger. Elle n'avait pas commencé à voir en elle-même un beau gibier exposé aux poursuites d'un chasseur affamé. Elle avait joui de la société de Stanhope. Elle avait été heureuse de la cordialité de Charlotte. Maintenant, elle comprenait la cause de toute cette amabilité et la vie lui apparaissait sous un nouveau jour. « Miss Stanhope, dit-elle avec hauteur, a voulu me faire un grand honneur. Mais elle aurait pu s'épargner la peine de tant d'efforts. Mon ambition ne va pas si haut. Je vous en conjure. Ne soyez pas irritée contre elle, Mrs. Bold, ni contre moi. Contre vous, non, certainement, Monsieur Stanhope, dit-elle avec une ironie évidente. Certainement pas contre vous. Ni contre elle, reprit-il d'une voix suppliante. Pourquoi donc, Monsieur Stanhope, si je peux vous le demander, m'avez-vous raconté cette singulière histoire? Car je puis présumer, par votre manière de la dire, que votre sœur et vous n'avez pas la même manière de voir sur ce sujet. Non, en effet. Et s'il en est ainsi, dit Mrs. Bold, réellement irritée d'un affront qu'elle jugeait lui avoir été fait sans aucune nécessité. Pourquoi avez-vous jugé bon de me raconter tout cela? Il m'avait semblé, Mrs. Bold, que vous... Éléanor demeura impassible et ne voulait pas venir au secours de son compagnon. Il m'avait semblé que peut-être vous aviez appris à voir en moi plus qu'un ami. Jamais, dit Mrs. Bold, jamais. Si je me suis jamais permis quoi que ce soit qui ait pu encourager en vous une semblable pensée, j'ai eu tort, grand tort. Non, vous n'avez jamais rien fait de tel, dit Bertie, qui faisait tous ses efforts pour rendre ses paroles le moins désagréables possible à Éléanor. Non, et depuis quelque temps j'ai cessé d'espérer. Mais l'espoir a été plus tenace chez ma sœur. Je ne me suis pas trompé sur vos sentiments. Elle, au contraire, s'est sans doute méprise. Et alors, pourquoi m'avez-vous dit tout cela? Parce que je ne veux pas l'irriter. Et cette explication ne va-t-elle pas l'irriter? En vérité, M. Stanhope, je ne comprends rien à la politique de votre famille. Oh, combien je voudrais être chez moi! Et incapable de se contenir plus longtemps, elle éclata en sanglots. Le pauvre Bertie était vivement ému. La voiture va vous reconduire seule chez vous, du moins avec mon père. Pour moi, je peux marcher. Peu importe, du reste, ce que je fasse. Il comprenait que la douleur de Mrs. Bold était causée en partie par la nécessité de retourner à Barchester dans la même voiture que son second prétendant. Cette proposition la calma un peu. Oh, Monsieur Stanhope, pourquoi me rendez-vous si malheureuse? Qu'avez-vous gagné à me dire tout cela? Bertie n'avait pas encore abordé la partie la plus difficile de son explication. Il ne lui avait pas dit qu'elle devait elle-même avoir son rôle dans la petite comédie qui allait se jouer autour de Charlotte, et pourtant il fallait absolument qu'elle le sût. Il n'est pas nécessaire que nous le suivions jusqu'au bout. Il finit, non sans difficulté, par faire comprendre à Éléanor pourquoi il l'avait mise dans sa confidence depuis qu'il avait renoncé à l'honorer d'une proposition formelle. Cette dernière partie de la communication redoubla la colère d'Éléanor contre lui et contre Charlotte. Elle n'était donc qu'un jouet entre les mains du frère et de la sœur. Sa chère amie Charlotte, avec toutes ses protestations d'affection, ne visait qu'à une chose, la sacrifier au bien-être de la famille Stanhope. Et Bertie, qui était de son propre aveu perdu de dette, ajoutait encore à son humiliation en avouant qu'il ne tenait pas à voir ses dettes payées au prix du sacrifice de sa personne. Elle releva la tête quand il eut terminé, et le regardant avec une dignité que ne diminuait point ses larmes. « J'en regrette d'avoir à le dire, Monsieur Stanhope, mais après ce qui s'est passé, il vaut mieux que toute relation cesse entre votre famille et moi. »« Peut-être, oui, » dit naïvement Bertie, « pour quelque temps du moins. Charlotte croira que vous avez été blessé par ma proposition. » « Maintenant, je vais rentrer dans la maison, » dit Éléanor. « Je trouverai bien le chemin moi-même, et je préfère être seule. » « Mais je veux m'occuper de la voiture, Mrs. Bold, et dire à mon père que vous retournerez avec lui seul. Je trouverai un prétexte pour expliquer mon absence. Je dirai aussi au domestique de vous mettre chez vous, car je suppose que vous n'aimez pas le désir de repasser par la maison. » En voyant Bertie si empressé et si ingénieux à lui procurer un retour tranquille, Eleanor sentit diminuer son irritation. Elle continua de marcher à côté de lui à travers la pelouse, déserte alors, jusqu'à ce que l'on arrivât à la porte-fenêtre du salon. Il y avait dans Bertie Stanhope quelque chose qui empêchait qu'on portât sur lui le même jugement que sur un autre homme, placé dans les mêmes circonstances. Quoique son indignation fût bien fondée, Eleanor n'éprouvait pas à beaucoup près contre lui l'irritation qu'elle eût ressentie contre un autre. Il était si naturel, si bon enfant, qu'elle l'avait déjà à moitié pardonné avant d'être arrivé au salon. Ils y trouvèrent le docteur Stanhope assis presque seul avec Monsieur et Miss Thorne. Un ou deux infortunés étaient là encore, retardés dans leur départ par quelque cause. Aussitôt après avoir conduit Eleanor à son père, Bertie alla à la porte d'entrée à la recherche de la voiture, et là, appuyé contre le mur extérieur, il attendit en fumant un cigare qu'elle arriva. Quand il retourna au salon, Eleanor et le docteur Stanhope étaient seuls avec leurs hôtes. Miss Thorne déclarant qu'elle était ravie de conserver encore près d'elle Mrs. Bold et le docteur Stanhope. M. Thorne allait faire un compliment aussi gracieux, mais il en fut empêché par un bâillement qu'il ne put réprimer. « Mon père, » dit Bertie, « vous donnerez le bras à Mrs. Bold. » On fit les derniers adieux, et le chanoine conduisit Mrs. Bold à la voiture, suivi par son fils. « Je serai rentré peu de temps après vous, » dit celui-ci, quand son père et Eleanor furent montés. « Ne venez-vous pas avec nous ?»« Non, non, j'ai à voir quelqu'un sur la route. J'irai à pied. » « John, souvenez-vous de conduire d'abord Mrs. Bold chez elle. » Regardant par la portière, Eleanor vit Bertie, le chapeau à la main, lui faisant un salut aussi souriant que si rien n'avait altéré la tranquillité de cette journée. Il se passa de longues années avant qu'elle le revît. Le docteur Stanhope lui parla à peine pendant le trajet, et elle fut déposée par John à sa porte avant que la voiture amenât le chanoine chez lui. Et c'est ainsi que notre héroïne joua le dernier acte du mélodrame de ce jour.